À quoi ça vraiment les amis? Bon, ça c'est lié justement à, c'est au niveau vibratoire. Vous allez affiner vos corps. On ne peut pas être intelligent tout seul. C'est un peu dans ce sens-là. Dans le sens que pour intégrer du subtil sur une planète expérimentale, ça prend un contexte. Puis pour l'autre est en quelque sorte une représentation pour le rapport à soi, à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on pourrait parler du principe d'amour. Si les gens qui ont pas de capacité d'amour des autres, ce qu'ils vont venir apprendre sur cette planète-ci, c'est de la domination pratique. C'est un principe de domination qu'ils vont intégrer, comme ou bien de servir de l'entourage, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui a des amis, qui a réellement des amis, au sens où ça veut dire quelque chose, il va intégrer des lois de vie, il va évoluer avec ses amis. Les autres vont lui servir. C'est-à-dire, quelqu'un qui est juste venu intégrer la domination va se servir des autres. Quelqu'un qui est venu intégrer du réel, les autres vont lui servir parce qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. C'est-à-dire, il va avoir des lois d'évolution de l'âme, mais au niveau d'un principe de vie, la vie expérimentale sur une planète expérimentale. Donc, à quoi ça sert vraiment, les amis? Mais ça sert à faire qu'il y ait de plus en plus d'esprits d'intelligence qui s'incarnent dans un plan qui était purement structurel, qui était purement matériel, parce que ça fait partie des lois des mondes en évolution, puis de la vie, que ces forces-là viennent coloniser tout ce qui est dense de plus en plus, viennent se densifier. Pourquoi? C'est des lois d'harmonie, c'est...